J'aurais pu t'écrire une lettre d'amour, te téléphoner en pleine nuit pour te dire que je t'aime. Mais puisque je suis peut-être romantique, je préfère à tous cette chanson pour te dire que je t'aime. Oui, je chante une sérénade dont les mots sont démodés. Mais dans cette sérénade, je chante une sérénade dans